Est-ce que vous avez lu le dernier Astérix? On a entendu parler. Entendu parler, oui, mais lui, non, du tout. Non. Et ce que vous avez entendu parler, c'était les échos? C'était relativement mitigé, je vais dire. C'était plus vraiment... Alors, les extraterrestres, c'est une vague histoire d'extraterrestres, je crois. Néanmoins, non, j'ai pas eu l'occasion de le lire, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mmh, ok. Mais les échos étaient très et par rapport justement à des idées que certaines bandes dessinées sont reprises, continuent malgré que leurs auteurs originaux aient disparu ou soient partis pour une autre... Pour une autre série, vous êtes d'accord sur l'idée? Ben je crois, je veux dire, faut un peu laisser également la chance et je vais dire laisser continuer le rêve peut-être. Mmh. Au niveau des bandes dessinées, je crois que c'est très positif de pouvoir continuer, je veux dire, tout en gardant le même esprit, certainement. C'est pas un peu trop marketing justement? Quelque part, je veux dire, oui, mais enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui n'est plus marketing? 070-233-622. Et au bout du fil, nous accueillons David de Watley. David, bonsoir. Allô, David? Oui, il y a une coupure, là. Oui, David, tu nous entends? Oui, moi, et vous m'entendez, là? Tout à fait bien. Voilà. Alors, petit courriel qui, justement, reparlait de Spirou et Fantasio. Tu précisais qu'à l'instar de ce qu'il fait dans les comics, Dupuis a proposé à différents auteurs de travailler sur le personnage de Spirou pour en donner leur vision, bon, même radicale, hein, puisque des gens comme Yann seront de la partie, en plus de la version officielle récemment reprise par Morvan et Munara, donc des albums qui sortiront en marge de la série officielle à partir de 2006. Là, effectivement, on est dans une opération peut-être un peu particulière. Oui, et je trouve que c'est peut-être une opération extrêmement intéressante parce que quand on voit, notamment, pour prendre le personnage de Batman aux États-Unis, on voit que différents auteurs ont réussi à en donner une vision, je trouve, parfois plus intéressante et d'autres angles parfois aussi plus intéressants, je trouve. Notamment, on a dit plein de choses sur la reprise de Spirou, la dernière en date. Moi, je dois bien avouer que les derniers Tom et Jean-Ry, j'en étais pas un grand fan. Ici, le tout nouvel album qui vient de sortir, je trouve, est bien meilleur que le premier repris par le duo Morvan et Mura. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, effectivement, c'est d'avoir donné des personnages afin qu'ils appartiennent peut-être au public et plus... Au-delà du public, c'est de le proposer à des vrais fans, effectivement, à des auteurs, et ce, d'une manière peut-être radicale, mais peut-être aussi respectueuse du lecteur qui était ces auteurs aussi, je pense. On peut en citer quelques-uns, des auteurs pressentis pour donner leur vision de Spirou et Fantasio? Mais je crois que tu en as déjà donné, en tout cas, effectivement, Yann et Tarin. Hein, mais je ne sais, ici, c'est vraiment des noms qui circulent. Il y a Franck Le Gall également. Et puis, ça s'est confirmé, oui. Voilà, et je pense qu'il y avait Fabien Vellman aussi. Mmh. Et avec chacun une envie toute particulière. Hein. Donc je sais que l'un d'entre eux a vraiment envie de revenir aux sources, plutôt à la gloire du personnage, c'est-à-dire le personnage repris à l'époque de Franquin, et plus particulièrement après la création des personnages tels que le comte de Champignac, par exemple, quoi. Et donc, en fait, ici, on n'est pas dans une sorte de reprise mécanique. On est vraiment dans l'exploration d'un univers qui appartient un peu à tout le monde, en fait, puisque voilà, Spirou et Fantasio, tout le monde est passé dessus, si j'ose dire, oui, quasiment. Donc, on peut pas dire, évidemment, on peut pas identifier Spirou et Fantasio à un auteur. On va plus identifier Spirou et Fantasio à un certain état d'esprit, à une école de bande dessinée qui était l'école de Marcinelle, et donc effectivement ça mais je suis assez d'accord avec toi, oui, j'attends ça avec impatience parce que mais on est plus proche d'une démarche à l'américaine où le héros existe en tant que tel et puis s'en empare qui veut pour le quitte à le modifier complètement d'ailleurs. Et puis ce que je trouve trouve de particulièrement intéressant dans cette initiative, c'est que bon, on peut dire plein de choses, honnêtement, sur la nouvelle reprise de Spirou, mais je trouve que pour des gens qui sont soumis à un marketing énorme, à une pression vraiment énorme, hein, parce que c'est le personnage phare des éditions Dupuis, il fallait en vendre beaucoup, il fallait que ça respecte une certaine tradition, il faut que ça plaise aux jeunes. Donc je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, et l'avantage peut-être aussi de ces initiatives sur le côté, c'est que ça va être totalement en dehors de cette pression médiatique finalement. Et je pense que ce qui va en ressortir pourra être particulièrement intéressant, et je crois que c'est peut-être là le secret aussi d'une bonne reprise. On aura peut-être l'occasion de redécouvrir le fameux cœur d'acier de Chaland. Oui. Ah, le génial et défunt Yves Chaland, qui justement avait peut-être été un des pionniers dans cette idée de reprendre Spirou et Fantasio pour se mettre dans l'univers franquinien, quoi. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que l'initiative vient directement de chez Dupuis, donc ça ne s'est pas fait visiblement à l'inverse. Donc on sent bien qu'il y a quand même une réflexion autour de ce qu'on est en train de faire justement avec les personnages. Parce qu'on on dit, est-ce qu'un personnage doit continuer effectivement dans le cas d'Astérix. Honnêtement, moi je l'ai vu, je l'ai ouvert, je suis tombé par hasard effectivement sur cette espèce de personnage d'extraterrestre. Et très honnêtement, j'étais un peu triste. Je l'ai refermé et je l'ai dit très fort que ça avait l'air bien nul, parce que je voyais qu'une dame était en train de l'offrir à son fils. Et ça, c'est peut-être le plus triste, effectivement, de voir qu'il y a des gens qui vont l'ouvrir et puis qui vont se dire, c'est ça. Bon, c'est nul finalement, Astérix. Et je pense que je trouve que c'est vraiment tout un patrimoine qui est gâché. Et je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'un patrimoine, ça ne doit pas rester... enfermé, hein. Honnêtement, moi je suis pas un grand fan par exemple de Tintin, et je trouve que j'aime bien qu'il ait une nouvelle vie, ce personnage. J'aime bien que des personnages aient une nouvelle vie, parce que ils évoluent et ça leur permet aussi d'avoir d'autres points de vue, parfois aussi même sur le monde, hein, très concrètement. Mmh. David, en tout cas, merci beaucoup pour ces commentaires. Mais de rien. Bonne soirée. Oui, également. Zone libre. La libre antenne ouverte à tous et à tous les sujets. Vous avez lu le dernier Astérix ? Non. Non. Vous en avez entendu parler ? Oui, et c'était souvent des mauvaises critiques. Quoi. Ah oui ? Dû à quoi ? L'histoire est pas terrible. Uh-huh. Ouais. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, c'est le cas ici pour Astérix, que Goscinny soit disparu, ça on peut pas faire autrement, mais est-ce que vous trouvez normal que les bandes dessinées continuent malgré que leurs auteurs soient disparus ou partis ? Je pense que Astérix sera toujours plus ici au public belge, donc ouais, je trouve ça assez logique que ça continue à fonctionner. Et par rapport à des Blake ou Mortimer et à Buck Danny, par exemple, ou Spirou, dans un autre genre, vous trouvez ça normal ? Oui, mais je trouve pas ça anormal en tout cas, non. Bon. Pour vous, ça doit continuer malgré tout, quoi. Oui, moi je suis pas contre que ça s'arrête. Non, je suis pour que ça continue. Et si la qualité baisse, franchement. Ah, mais moi je l'ai pas acheté, mais il y a des gens qui sont adeptes d'Astérix et qui font la collection, donc ouais. J'ai pas mal de personnes comme ça ici en Belgique, je pense. Mmh. Si ça continue, tant mieux, mais bon, c'est vrai que s'ils continuent à sortir des histoires qui plaisent pas, ça va s'arrêter, les gens vont arrêter d'en acheter. Et le jour de la mise en vente, il y a eu beaucoup de monde qui voulait acheter ? Oui, quand même. Sur la semaine où elle a été mise en vente, il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté. Ouais. C'est bien parti, c'est parti assez vite. Donc malgré tout, un succès, quoi. Malgré tout, un succès au niveau vente, oui. Mais les lecteurs sont déçus. Donc peut-être que la prochaine, ils réfléchiront à deux fois avant de l'acheter. 070-233-622. Témoignage de libraire, donc, par SMS. Encore quelques commentaires aux USA dans l'univers des comics. Les reprises sont légion et cela fonctionne souvent bien, voire mieux. En Europe, les dessinateurs sont frileux de donner leurs personnages à d'autres. Mais je pense que si un auteur de talent reprend un truc pas top ou pas connu, il peut le magnifier. Exemple, la reprise de Magellan par Franck ou Bob et Bobette par Herman, signé Fred. Bon, oui, enfin, certains auteurs sont frileux, et puis d'autres auteurs, comme Jacques Martin, qui savent que leurs jours sont comptés, organisent carrément leur succession en trouvant, en montant un studio, en trouvant un dessinateur qui correspondra à chacun des personnages créés par Jacques Martin. Donc en fait, tous les cas de figure, évidemment, sont possibles et imaginables. Encore un commentaire mercantile ou pas, c'est quand même à l'acheteur de décider si ce sera un succès pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à l'acheteur d'être malin et de ne pas acheter par habitude. Pompon, surtout ne pas toucher à Gaston Lagaffe, sinon je brûle des autos, signé Goran. Ah ça c'est vrai qu'on a encore vu personne se profiler pour une éventuelle reprise de Gaston Lagaffe. Mais voilà, Gaston Lagaffe c'est tellement franquin, c'est comme Corto Maltese. Moi la simple idée qu'on puisse voir quelqu'un mettre ses pattes sur Corto Maltese, sauf à imaginer qu'Hugo Pratt se soit réincarné dans un jeune auteur, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis toujours par SMS, Jessica de Anguien, les navets font aussi partie de notre patrimoine. On en a même fait des bons disques du jour. Fin de citation.